Aujourd'hui, à connaître ensemble, un quiz sur la maternité. Bon après-midi tout le monde, bienvenue à cette dernière émission de Connaître Ensemble, une émission pour les couples, les femmes, les sages-femmes. Alors, on a été avec vous, les étudiantes sages-femmes, tout au long de l'année, des deux sessions dernières, pour vous présenter différents sujets sur la périnatalité. Aujourd'hui, on finit la saison en beauté avec un quiz sur la maternité que notre chère Ingrid nous a concocté. Salut Ingrid! Bonjour Marie-Pierre! Comment tu vas ce matin? Ça va très très très bien. Ça va bien? Cool! Oui. J'ai hâte d'entendre tes questions! C'est le fun. Oui. Ouais. Puis pour répondre au quiz d'Ingrid, on a plusieurs invités avec nous aujourd'hui, dont Justine. Salut. Allô. On a Mathieu aussi avec nous. Allô. Allô. Et Raphaël. Bonjour. Donc, trois vaillants participants qui ont accepté de se prêter au jeu d'Ingrid aujourd'hui. Alors, en musique, on va avoir une chanson vraiment, vraiment spéciale qui est une chanson, dans le fond, c'est comme notre chanson aux étudiantes sages-femmes. C'est une chanson qu'on a enregistrée, qui a été composée par une étudiante sage-femme dans le cadre d'un cours et qui est un peu rendue comme l'hymne des étudiantes sages-femmes. Donc, on va vous faire jouer ça tantôt. On va aussi avoir du Louise Attaque et Paris Combo. Pour commencer, dans le fond, on va vous présenter un peu nos invités. Donc, Justine, tu fais quoi dans la vie? T'es qui? Tu sors d'où? Je suis la sœur d'Ingrid. Aha! Et je fais mon doctorat en psychologie ici à l'UQTR. OK, cool. Mathieu? Oui, bonjour. Moi, je travaille assez fou, premièrement. Ah oui? J'anime le matin, Assemblage requis, avec François-Olivier Marchand. Oui, ouais. Qu'on aime beaucoup. Ben, ouais. C'est pas un peu le directeur de la radio. Hey, c'est vrai, il est fin. Puis Raphaël, salut! Salut! Moi, je suis un étudiant en deuxième année au bac en histoire. OK. Et c'est sûr aussi, je m'implique beaucoup autour de l'association de l'AGE et du mouvement étudiant à l'UQTR en général. C'est d'ailleurs là qu'on t'a repêché pour l'émission. Exactement! Super! Donc, pour commencer, on a quelque chose de spécial à vous présenter. Ingrid, elle nous a concocté un vox pop à travers l'université sur le thème de Bébé Lotus. Oui, en fait, on va écouter le vox pop, puis après ça, je vais vous donner la réponse après. Le petit 2 minutes d'accord, de Vox Pop. On écoute ça. Il ne fonctionne pas. Le Vox Pop ne fonctionne pas. Alors, en fait, Bébé Lotus, on va le dire un peu après le Vox Pop, c'est un concept qui est assez spécial en périnatalité. Mais c'est ça, donc en fait, bébé lotus, ça veut comme rien dire là, quand on dit ça. Fait qu'on on a posé la question à des gens, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et on a eu plusieurs réponses assez farfelues. Mais là, ça a l'air qu'on les aura pas tout de suite, ces réponses-là. On a comme une petite attente, un petit suspense là. Fait qu'on va aller en musique tout de suite pour commencer. On va aller, Ingrid, quelle chanson qu'on va écouter? Le cœur des femmes. OK, donc c'est la chanson qu'on parlait, la chanson qu'on parlait tantôt des étudiantes sages-femmes. Donc, on va écouter ça tout de suite. Régalez-vous. OK, l'ordi ne marche pas. Mathieu qui est avec nous, qui est l'invité, qui est un des invités avec nous. Une chance qu'il est là, il travaille à la radio. Oui, c'est une chance dans notre malchance, comme dirait Raphaël, dont le micro était fermé. Tout va bien ce matin. OK. Pour ne plus faire durer le suspense, je vais vous révéler c'est quoi Bébé Lotus. Donc, Ingrid, je m'excuse de voler ton punch. Bébé Lotus, en fait, c'est un concept qui, dans le fond, après la naissance, on sait qu'il y a le placenta qui est relié au bébé par le cordon ombilical. Mm-hmm. Et c'est coutume dans plusieurs sociétés, dont la nôtre, de couper le cordon. On entend souvent ça, surtout comme expression aussi, là. Mais donc, on coupe le cordon après la naissance, plus ou moins longtemps après, selon les mentalités. Mais bébé lotus, en fait, ça consiste à ne pas couper le cordon. On le laisse tomber un jour, quand il va finir par tomber de lui-même. Donc, il s'agit de conserver, dans le fond, le placenta attaché au bébé jusqu'à ce que le cordon tombe de lui-même. Donc, Ingrid va nous en donner plus de détails après. Je pense que ça fonctionne maintenant? Oui. On peut y aller? Bon, super. Fait qu'on va aller écouter les réponses sur le bébé lotus qu'on a recueilli à travers l'université. Selon toi, c'est quoi un bébé lotus? Un enfant qui naît dans une feuille de lotus? Bien, à première vue, c'est un mot nouveau, mais ça me ferait peut-être penser à une fleur, un bébé. Un bébé lotus, d'après moi, ça doit être un bébé qui arrive dans une position lotus, donc les jambes croisées, la position le lotus en yoga. Donc, je sais pas. Un bébé lotus, c'est un bébé qui, quand il naît, finalement, il est en forme de lotus. Mais selon moi, ça dit que c'est un rapport à une fleur qui est peut-être d'origine asiatique, donc un bébé dans une fleur qui repose sur un... Ben, à la base, j'ai vraiment aucune idée, mais disons, lotus, ça veut penser à fleur, donc soit bébé du printemps ou bébé qui n'est pas attendu, donc, mais qui met quand même une certaine joie dans la vie. Donc, selon moi, un bébé lotus, c'est un bébé qui naît avec le cordon ombilical autour de la tronche. Moi, je pense que c'est un bébé fleur. Un bébé qui fait du yoga? J'en ai aucune idée. Ben, lotus, c'est une marque d'auto. Bébé lotus, bon. Si je pars de lotus, ben ça doit être une position, la position du lotus. Ah, lotus, pour moi, ça dit position sexuelle. Hé, hey, bébé lotus, j'avoue que c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Ce qui me fait penser à ouverture, peut-être l'ouverture des jambes qui fait que c'est un bébé qui passerait moins facilement. Le bébé passerait moins bien dans le col. Lotus, bébé lotus. Lotus, c'est une fleur. Est-ce que ce serait pas un bébé qui vient dans une drôle de position? Peut-être qu'il est tourné à l'envers. Moi, je pense qu'un bébé lotus, c'est qu'ils font un X en étoile sur la bedaine de la femme. Il coupe, il ouvre, puis le petit bébé, il ressort du... Je sais pas. Mais pour moi, le lotus, ça évoque le chakra couronne, qui est en lien avec la spiritualité. Donc, pour moi, ça parle d'ouverture. C'est ça, oui, c'est une fleur qui pousse dans l'eau. C'est pas. Alors, on avait quand même plusieurs réponses intéressantes, surtout que vous aviez eu la réponse avant, là, à écouter ces réponses-là. Après, ça fait un peu drôle, là. Une marque de char. C'est une marque de char. Ça a vraiment rapport. Mais bon, quand on sait pas, on sait pas, hein? C'est ça, pour rappeler un peu c'est quoi bébé lotus, c'est de conserver. Ingrid, peut-être tu peux le dire dans tes mots? Bien, en fait, c'est qu'on clampe juste pas le cordon ombilical après la naissance, puis on va garder le placenta avec l'enfant. Là. Généralement, ça tombe au bout de 3 à 5 jours. C'est pas 3 à 5 jours, ouais, OK. C'est pas très long. C'est pas très long. Mais quand même, ça prend certaines mesures, là, parce que le placenta, on sait que... Ça c'est quand même pas très, c'est très ça, bon. C'est quand même un organe, là, qui est plus vascularisé et tout. Donc, il faut le conserver comme dans certaines plantes. Il y a vraiment un ben, beaucoup genre de protocole. Oui, ben, c'est un peu, tu le conserves dans ses... Tu l'emmaillotes lui-même, ouais, là, ouais, comme le bébé, puis tu mets des huiles essentielles. Oui, c'est ça. Ça fait que... pas plus... Puis, dans le fond, c'est ça. C'est sûr, tu ne vas pas te promener aux emmenages avec non, ton placenta et ton bébé. Ça réduit beaucoup les mouvements, mais souvent, les mères, ce qu'ils trouvent le fun, c'est que le bébé leur appartient plus dans ce temps-là. Les gens peuvent plus le conserver auprès d'elles. Ils aiment beaucoup cette espèce d'aspect. La proximité aussi. Puis, effectivement. Il y en a qui disent que ça fait des bébés plus calmes. Ah, bon. Ben c'est vraiment intéressant. C'est peut-être un mythe. Peut-être un mythe. Ce sera à voir. Donc, on va passer tout de suite à ton quiz. Oui. Oui, j'ai ça hâte. Va marcher, ça. Vas-y. Donc, c'est un quiz sur la maternité. Je vais demander aux 4 participants, toi également, Marie-Pierre, de participer. En fait, ça se passe en Tanzanie, dans le peuple des Maasai. OK. C'est la première question, c'est est-ce qu'à la fin de la grossesse, la femme enceinte Maasai, elle va manger plus ou est-ce qu'elle va manger moins, selon vous? Est-ce qu'on répond à tour de rôle? Oui, tour de rôle. Vas-y donc, Raphaël. Ben, moi, un guest de même, je dirais qu'elle mangerait moins. Moins? Moi, je veux dire plus. Justine? Je pense qu'elle va manger plus. Ben, j'aurais tendance à dire moins. Parce que le bébé fait juste comme croître, donc il prend la part... En fait, les mères vont pratiquement arrêter de manger à la fin de la grossesse dans le peuple Maasai. Oui! Rappelez-moi vous avez les réponses à l'avance. Oui, selon la croyance, ça fait un plus petit bébé. OK. Puis ça sort donc plus facilement dans leur croyance. Et aussi que c'est un péril qui est moins grand pour la mère. On se rappelle, le peuple Maasai, ils sont en Afrique, ils sont vraiment comme... dans le désert, l'hôpital n'est pas très proche. Ouais. C'est surtout pour ça. Ah bon? Ouais. Vrai ou faux, toujours en Tanzanie. Est-ce que l'on crache sur le nouveau-né à sa naissance. Hi, vrai ou faux? Est-ce qu'on crache? Je vais dire vrai. Vrai aussi. Je vais dire vrai. Ben, je vais dire vrai parce que si tu poses la question, ça doit quand même être vrai. Tu ne poserais pas ça. Ben, c'est vrai. C'est vraiment la coutume et ça porterait chance. Ah ouais, ça porte chance. C'est assez impressionnant. On peut le voir dans le premier cri. Là. De toute façon, tout ce qui est le quiz maternité autour du monde, je l'ai pris dans le premier cri. Qui est un documentaire sur les naissances à travers le monde. Exactement. Puis il y a également un très beau livre qui en est tiré et on va mettre le lien sur notre page Facebook, mm-hmm. comme d'habitude. Un livre qui a été écrit, évidemment. Oui, oui, non, on s'entend. Écrit, oui. Ah, okay. Ouais. Hey, jeu de mots! Jeu de mots! Je suis encore dans l'environnement de mon émission. Ouais. Ouais, c'est correct, c'est correct. Mais c'est ça. Donc, merci, ça serait là-dessus. Ça fait plaisir. Puis les femmes vont vraiment cracher sur le bébé dans le film. On le voit, c'est assez impressionnant. Ouais. Vrai ou faux, encore une fois, Tanzanie, dire d'un nouveau-né qu'il est laid, c'est un compliment. Vrai ou faux? Un nouveau-né qui est laid. Ben, je me dis qu'éventuellement, il va y avoir une pogne dans les questions, donc faux. Hey, ben, pas pire, c'est faux aussi. Ouais, ouais. Justine? Je vais dire que c'est vrai. Ouais, moi aussi. Je vais y aller les avec Justine. Les femmes ont raison. Oh, yeah! Ah! Ça m'apprendra. C'est vrai, on dit que dire l'opposé de ce que l'on pense, c'est la plus belle des politesses. Ah! Chez le peuple Mastaï. Oui. Surtout, attends, dire l'inverse de ce qu'on pense, c'est poli. Oui. Ben, et pour ben, eux, c'est poli. Eh ben. Ça fait. T'es vraiment laid, Ingrid. Ah. Je te remercie. Dieu merci, on n'a pas de visuel. C'est surtout pas faire de compliments au bébé sous peine de lui jeter le mauvais œil. La croyance. Une petite dernière chez les Massaï avant de quitter la Tanzanie. On va attendre 4 mois avant de donner un nom. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux au bébé? 4 mois. Mais j'imagine que ça peut laisser le temps hein, de voir comme un peu le bébé, son caractère, sa personnalité. Toi, tu dis vrai? Oui. Justine? Je vais dire faux. Faux aussi. Moi, okay. Je vais dire vrai. C'est vrai. Les Massaï vont attendre 4 mois pour voir si le bébé reste. Parce qu'il y a un haut taux de mortalité. Oh. Non, oh, c'est un peu dramatique, mais il y a un petit côté drôle à ça après. Oui. C'est que c'est à 14 ans qu'on reçoit son prénom, son prénom d'adulte. Ouais. D'abord, c'est un surnom. Donc, ouais, non, c'est. 14 ans. On a notre prénom d'adulte. Là. Ça, c'est justement, il y a beaucoup de variations culturelles entre différentes cultures pour nommer les gens, de toute façon. Puis en effet, c'est un peu le même parallèle qu'on pourrait faire avec le baptême chez nous, dépendant des confessions chrétiennes. On baptise à la naissance ou beaucoup plus tard. Ouais. C'est un peu le même genre de logique. Et avant ça, c'est Poupou et Chéri, je pense, leur prénom. Ouais, deux options, tu vois. On va se transporter au Japon. Là, c'est une petite question ouverte. Est-ce qu'il faut, selon vous, accoucher avec son ventre ou avec sa tête, selon les Japonais? Son ventre, c'est intuitivement, puis sa tête, on va penser plus à ses gestes, comment se placer, des trucs comme ça, selon vous. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Ben, OK, je vais me lancer. Avec le ventre. Avec le ventre? Je vais avec la tête. Ouais, moi aussi, je pense avec la tête. Pourquoi, Justine? Je sais pas. Je le file japonais, tête. Tu es dans ta psychologie, effectivement. Ben oui. Ben oui. Je pense qu'il faut plus devant la fenêtre. Je pense que c'est plus feng shui. Les pieds au sud, la tête au nord. Je vais y aller avec le ventre. C'est avec son ventre. Faut pas penser. Oui, c'est ça. Selon les Japonais, surtout ceux qui sont traditionnalistes, on accouche avec vraiment son ventre, pas avec sa tête. Pour laisser faire la nature, si on se met à penser, on va bloquer le processus, selon eux. On va aller en Inde et leurs coutumes, qui sont parfois particulières. Vrai ou faux? Pour avoir un beau bébé, il faut regarder une belle personne. Pendant l'accouchement, ça? Non, en fait, c'est... Il y a une coutume. Pendant là, il faut faire... Pour tomber enceinte, il faut faire sa toilette à la fin des règles. Puis tout de suite, en sortant de l'eau, est-ce qu'on regarde une belle personne ou est-ce qu'on regarde une laide personne? C'est ça, mon coutume. Moi, je dis qu'on regarde une belle personne parce que ça inspire. OK. Justine? Oui, moi aussi, j'irais avec une belle personne. Oui, même chose. Bon, ben, juste pour pas dire la même affaire que les autres, une personne plutôt laide. Non, en fait, c'est une belle personne. La coutume, c'est pour tomber enceinte puis avoir un beau bébé, il faut faire sa toilette à la fin de ses règles, dans le Gange, puis après ça, tout de suite après, là, immédiatement, il faut trouver une belle personne puis la regarder. Comme ça, le bébé est beau. Mais c'est tellement subjectif. Ben oui, la beauté. C'est un peu comme la même l'histoire classique des femmes. Supposément que si une femme voyait un noir pendant sa grossesse, son petit bébé allait devenir noir. Ah! Ah! Oh, wow. God! Et il avait jamais entendu ça. Ouais, ben des vieilles superstitions. Ouais, ouais, ouais. Qui remontent à il y a de ça, disons, très longtemps. C'est bon. Une autre question en Inde, toujours. La femme enceinte ne doit pas couper de fruits ni de légumes, surtout pas les légumes ronds. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je dirais oui pour une réponse intelligente. En fait, non, il ne faut pas qu'elle coupe de légumes parce qu'il y a des contaminations possibles avec les bactéries qu'il y a dans le sol. Donc, c'est vrai, il ne faut pas couper des légumes. Oui, c'est ça. OK. Justine? Ah, je pensais la même chose, mais à cause que c'est rond, puis elle risque de se couper par protection. Aussi. Ah, OK. Justine, c'est intéressant. Mm-hmm. Mathieu? Vrai aussi. Vrai? Raphaël, tu peux être consensus? Ouais, ben, c'est ça. Je pense que je vais être consensuel. Je vais consensuser, hein? Donc, oui, vrai aussi. Vrai. Ben, là, c'est la bonne réponse. C'est vrai. C'est... On est là. Mais c'est Justine qui est la plus proche. Parce que, ouais, vraiment, parce que les femmes, ben, selon la coutume indienne, elles croient que si elles coupent un légume qui est rond, ben, elles coupent le bébé en même temps. Ah. C'est comme couper son ventre. Drôle d'image. C'est assez lourd. Donc, un petit dernier vrai ou faux en Inde. Il est recommandé aux veuves de prendre le nouveau-né. Ça porte chance. Aux veuves? Les veuves indiennes. Eh bien... De les prendre dans ses bras? De prendre un bébé, là, comme tout le monde prend un bébé. Okay. Là. Oui, oui. Ben, je dirais oui. Mm-hmm. Vrai? Ouais. Oui, vrai. Vrai. Vrai. C'est faux. Ah! Les veuves en Inde sont vraiment, vraiment stigmatisées, soit dit en passant. OK. Ouais, y a un beau film canadien, oui, Water, là-dessus. Oui, mm-hmm. Ouais, j'aurais dû. Merci, Justine. Ben, c'est ça. Non, il ne faut pas qu'elle y touche pendant un mois, sinon elle porte malchance. Ah, oh, ouais. Ouais, c'est assez grave comme ça. Hey, tu nous as eu, hein? Vraiment? Personne qui a eu la bonne réponse. On passe de l'Inde, un pays très, très chaud, à la Sibérie, qui est, soit en passant, un territoire russe. Puis on va être avec le peuple d'Olgan. Okay. Alors, vrai ou faux? Ce peuple possède l'une des fécondités les plus élevées au monde. Marc-Pierre? Je dirais faux. Faux? Je le file pas. Justine? Je vais dire vrai. Ouais. Moi, je dirais ils ont juste ça à faire, finalement. Non? Je sais pas, non? Moi, je dis faux. C'est faux. Oh! Les extrémités de la Terre ont encore raison. Ouais. C'est faux. C'est l'une des plus basses fécondités au monde. C'est un clan migrateur qui est extrêmement restreint. Ils se promènent en 2-3 familles et ils sont vraiment en migration constante. Okay. Ah ouais. Puis ils chassent pour se nourrir. On aurait pu dire aussi ce qui se passe quand il fait froid. Hein? Ben, tu ris, Mathieu, mais c'est un peu ça le raisonnement que j'ai eu dans ma tête. Ouais. Ben, peut-être pas nécessairement pour les raisons qu'on pense. Mais, en effet, tu vois. Ils ont comme moins de ressources pour subvenir aux besoins d'une grosse famille. Ouais, aussi. Oh, ouais. Mais je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils ont vraiment un taux de fécondité très, très bas. Ils ont eu beaucoup de misère durant le tournage du film à aller trouver ces femmes-là. C'est une dans le clan qui est enceinte une fois de temps en temps. Puis il y a plus qu'un clan qui se promène. Puis quand il y en avait une, ben les autres clans, il n'y en avait pas une qui était enceinte. Il faut même pourquoi. Mais c'est bizarre de voir. Ben. On est toujours avec le peuple d'Olgan de la Sibérie. Vrai ou faux? Les femmes d'Olgan accouchent dans leur cabane mobile. Ce qu'on disait, là, c'est un peuple migrateur. Ouais. Donc, on a des petites cabanes en bois. Là. J'imagine. Sinon, ils accoucheraient où? Moi aussi, je me disais ça. Pareillement vrai. Ah, je vais dire faux. OK. Pourquoi? Ben, je sais pas, là. J'ai pas de raison particulière, mais peut-être que, genre, ils sont juste pas dans des cabanes, mais dans des tentes. Ou... Ils sont, en fait, c'est faux. C'est faux. Elles sont toutes déportées à l'hôpital. Ah non, ça, c'est littéralement. Mais il fait moins 50, moins 60 dans ces régions-là. Puis on va vraiment les déporter. Ça ressemble un peu aux Autochtones au ici, Canada. On en a parlé à une émission passée avec Maud, qui est avec nous. Mm. On parlait justement que les Autochtones au Nunavik étaient déportés vers le sud, donc vers les grands centres du Québec, vers Montréal, vers Québec. Ça doit arriver qu'ils ne se rendent pas. Non, parce qu'ils prennent les statistiques, tôt. Mais c'est pas tu commences ton travail d'accouchement, mais là, t'es déporté. Non, non, non, c'est vraiment histoire de 8 heures semaines. D'avion, des fois. Là. C'est ça. Oh, ouais, c'était plusieurs semaines avant l'accouchement. C'est long, l'autre. Puis ça créait, dans le fond, des accouchements complètement... pas désorganisés, mais tu désorganises la femme, tu sais, tu l'enlèves elles sont de seules. Son milieu, puis sans aucune ressource Souvent, elles sont seules. Et tout. Mais justement, dans le livre Le Premier Cri, là, la femme qui accouche, la femme d'Olgan qui accouche, elle est littéralement attachée sur la table de travail. Ah ouais. C'est une césarienne, mais il attache les jambes, il attache les bras, ah, ce qui est vraiment pas nécessaire. Là. On dirait un traitement animal. Là, ça. Mais ça ressemble un peu aux naissances qu'on a fait ici dans les années 50. Mm-hmm. Ouais. Vraiment. c'est pas c'est triste, ça. Mm. On va se transporter vers le Vietnam. Hey, on fait le tour du monde. Oui, vraiment. c'était maternité autour du monde. Hein? Ah bon, ben, elle était tellement cohérente. Je le sais. Écoute, je capote. C'est pas un chemin vraiment bien tracé, mais quand même. Au Vietnam, le Tudu Hospital est la plus grande maternité au monde. Selon vous, combien d'enfants y naissent chaque jour? Ah ouais, je me souviens. Ouais, pas de choix de réponse. Oh. Non, pas de choix de réponse. Mais je me souviens que c'était vraiment ahurissant, là, quelque chose comme 1000. 1000 par jour? Non, ça se peut-tu? Ben, Marie-Pierre, 1000 par jour, Justine? Ouais. Dans un seul hôpital? Ouais. Dans le Tudu Hospital. Ouais, non, ça se peut pas. Je vais dire 400. 400, OK. 401, comme à Price is Right. Raphaël? Bon, ben, on va y aller dans des chiffres complètement débiles. 10 000! Bon. En fait, c'est de 100 à 150 enfants par jour. Mais réalisez-vous, enfants par jour. Ah ouais, c'est incroyable. C'est une machine. Et ça fait environ 45 000 enfants par année. En comparaison, au Québec, un hôpital accoucheur reçoit en moyenne par année de 3 000 à 5 000 accouchements. Hey, c'est donc, plus, c'est genre énormément plus. Puis, ça fait 10-15 par jour en moyenne. Ouais. Si on compare. Mais même à 10-15, je veux dire, à l'hôpital, il y a trop spécial. Oui, c'est rochant, le 10-15 naissances en même temps à l'hôpital. Quand on pense les maisons de naissance ici, c'est 300 maximum par année. Mmh. Pour vrai? Par année, pour garder le caractère comme familial et plus communautaire, plus personnel, plus humain. Oui, il y a une limite de 300 accouchements. Fait que là, en deux jours, il y aurait le quota d'accouchement d'une maison de naissance au Québec. Non, c'est énorme. On finit par le Niger avec les Touaregs. C'est les hommes bleus du désert. Ça vous dit quelque chose? Le Blue Man Group là, qui tape sur des poubelles? Non. Ceux qui sont voilés bleus, là, c'est pour ça. Ça n'a pas le choix. Alors, on est dans le désert de Kogo. En fait, les Touaregs, ils voyagent là, autant en Tunisie, en Algérie, tout ce qui est le désert. Là. Donc, ils n'ont pas de frontières, eux autres. Hey, c'est une marque de chasse. C'est une position sexuelle, ça. C'est ta réponse. Ouais. J'ai pensé l'utiliser à chaque question du quiz, mais ça a eu des choix de réponse. Ça a été un peu redondant. Ouais. Donc, vrai ou faux? La femme Touareg, elle accouche dans le désert avec pour seule aide des femmes. Vrai ou faux? Moi, Raphaël. Je dirais vrai. Ah, OK, Marie-Pierre. Non, vas-y, Raphaël, je te laisse. OK, ben, je vais dire vrai, moi aussi. Vrai? Mathieu? Vrai? Je pense vrai aussi. Oui, moi aussi, ça aurait plus de sens. C'est vrai. Ils sont souvent accompagnés de leur mère, de la sage-femme, puis d'une chamelière d'un campement voisin. Là. Donc, c'est vraiment pas d'équipe médicale. Et souvent, c'est 5 heures, 8 heures de route là, en jeep pour te rendre à l'hôpital le plus proche. Donc, ça va mal, ça va mal. Dans le désert? De pire qu'à la plage, je sais pas. Ben, il y a du sable au pied carré. Vrai ou faux, on est encore dans le peuple Touareg. La femme Touareg accouche nue dans le sable. Allô, l'infection! Ben, faux. Martia, faux, Justine? Je vais dire vrai. Je veux dire faux, j'espère qu'il se protège avec quelque chose. Je vais dire vrai. En fait, c'est faux. Elle accouche bien dans le sable, ça c'est vrai. Mm-hmm. Elle est vraiment dans le sable, sauf qu'elle est tout le temps recouverte par une couverture. Elle reste habillée tout le temps qu'elle accouche, qu'elle est en travail. Tu sais, au Québec, ils sont pas mal tout nus, nos mamans. Là. Mais elle va être recouverte par pudeur. OK. Puis souvent, ils verront pas, mettons, un siège parce qu'ils regardent pas. Ah! Ouais. Ouais. Dans le premier cri, justement, là, la femme Touareg à part son bébé parce qu'ils n'ont pas vu le siège venir. S'il n'y avait pas eu de couverture, elle l'aurait vu. En tout cas, mais ils sont vraiment dans le sable. Là, c'est un petit abri là, avec une espèce de paravent. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment sommaire, mais ils sont vraiment les deux pieds dans le sable, là, toute la gang. Oh, wow. C'est quand même romantique, je trouve. Ben, ouais, en même temps, c'est la tempête de sable pogne. Ouais. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans la tempête de sable. C'est mais pas ils sont quand même habitués. Ils ont un peu plus de ressources que nous. Ils ont des grosses tentes, mettons. Ouais. Mais c'est fou de voir quand même, tu sais, je m'écoute parler moi-même, puis c'est romantique, tu sais, comment pour eux, c'est tellement juste normal, puis la naissance dans le sable, c'est absolument pas un scénario romancé, là, tu sais. Mais c'est à la maison pour eux. Mais c'est ça, là, tu sais, pour eux, c'est comme ça que les femmes accouchent, puis point, tu sais, ils se posent pas plus de questions. Mais pas plus de questions, mais en fait, Ben non, je pense pas qu'on trouve. C'est la tradition, ça a toujours été comme ça. Ouais, puis de notre point de vue, c'est beaucoup de l'exotisme aussi. Oui, c'est la saveur exotique qui nous attire là-dedans, mais en réalité, c'est ça. C'est juste une coutume comme un autre. Oui, ben tu sais, quand on compare, mettons, l'hôpital du Vietnam, où est-ce qu'ils sont en travail dans des salles, il y en a 3-4 d'alignées, une à côté de l'autre, ça peut être assez impressionnant. Oui, c'est vraiment une usine à bébé. Les photos tirées de cet hôpital-là, c'est hallucinant. On voit les femmes. Justine, j'y avais montré. Tu peux peut-être confirmer à quel point ils étaient empilés les unes sur les autres. Je confirme. Merci. Oui, non, c'est vraiment... l'image est très, très forte. Donc, c'est fini? T'as plus de questions pour nous? Non, c'est fini. Le tour du monde est fini. On va recommencer après... ça va marcher, là. Après la pause avec ton quiz sur les mythes et réalités. Oui! Ouh, ça va être intéressant. Alors, merci de nous inviter pour cette première partie d'émission. On se retrouve après la pause. Vous êtes hot. Ça fait plaisir. On va aller écouter la chanson dont je vous parlais tantôt, là, Le cœur des femmes, l'hymne des étudiantes sages-femmes. On va poursuivre avec Amour de Louise Attaque. Et après une petite pub, on va revenir avec Connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Tout ensemble, nous chantons, j'entends le cœur des femmes. Tout ensemble, nous chantons, j'entends le cœur des femmes. Tout ensemble, nous avancerons, j'entends le cœur des femmes. J'entends le cœur des femmes, j'entends la voix qui nous unit. J'entends le cœur des femmes, j'entends la voix qui nous unit. Tout ensemble nous avancerons, j'entends le cœur des femmes. Tout ensemble nous avancerons, j'entends le cœur des femmes. Tout ensemble nous accoucherons, j'entends le cœur des femmes. J'entends le cœur des femmes, j'entends la voix qui nous unit. J'entends le cœur des femmes, j'entends la voix qui nous unit. Tout ensemble nous accoucherons, j'entends le cœur des femmes. Tout ensemble nous accoucherons, j'entends le cœur des femmes. Dans toutes sortes de positions, j'entends le cœur des femmes. J'entends le cœur des femmes, j'entends la voix qui nous unit. J'entends le cœur des femmes, j'entends la voix qui nous unit. Dans toutes sortes de positions, j'entends le cœur des femmes. Dans toutes sortes de positions, j'entends le cœur des femmes. De votre force nous apprendrons, j'entends le cœur des femmes. J'entends le cœur des femmes, j'entends la voix qui nous unit. J'entends le cœur des femmes, j'entends la voix qui nous unit. De votre force nous apprendrons, j'entends le cœur des femmes. De votre force nous apprendrons, j'entends le cœur des femmes. Que le pouvoir nous le possédons, j'entends le cœur des femmes. J'entends le cœur des femmes, j'entends la voix qui nous unit. J'entends le cœur des femmes, j'entends la voix qui nous unit. Que le pouvoir nous le possédons, et j'entends le cœur des femmes. Que le pouvoir nous le possédons, j'entends le cœur des femmes. Ensemble le monde nous changerons, j'entends le cœur des femmes. J'entends le cœur des femmes, j'entends la voix qui nous unit. J'entends le cœur des femmes, j'entends la voix qui nous unit. J'entends la force des femmes, j'entends la force qui nous unit. J'entends la force des femmes, j'entends la force qui nous unit. Excusez-la. Mon père et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur évidemment. Oh amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps. Oh amour de longue date qui s'étend Oh amour avec un grand A, c'est long, c'est long, c'est long. Et amour, mon amulette du coup, toujours excellent. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps. Oh amour, mon père et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur évidemment. Ou amour serait un jeu d'enfant à crier. Ou amour de longue date qui s'étend, qui s'étend. Ou amour avec un grand A, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Et amour, mon amulette du coup serait excellent. Amour serait un jeu d'enfant à crier. Ou amour, la première fois amoureux sans plus jeune âge. C'est l'amour de la première fois vue pour la dernière fois. Oh l'amour de ce doux c'est pas qui glisse pas les parfois. Et amour serait un jeu d'enfant à crier. Ou amour, mon père et je ne sais pas comment. Ou amour, ma mère et tous ses sentiments. Ou amour, mon frère et ma sœur évidemment. Ou amour serait un jeu d'enfant à crier tout le temps. Vous êtes à connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1, l'émission des étudiantes sages-femmes, la dernière émission de cette saison. Oui. Alors, on va continuer, Ingrid, donc quiz sur les mythes et réalités. On est avec Raphaël, Mathieu et Justine en studio. Juste avant, je voudrais vraiment, vraiment remercier Dany Janvier pour la chanson Le cœur des femmes. C'est lui qui l'a enregistrée gratuitement, il a pris son temps. Merci, Dany. Vraiment. Ça a donné vraiment un beau résultat. Puis bel arrangement qu'il a fait, là, vraiment. Ouais. Merci. Félicitations à Marie-Pierre pour sa voix dans les identifications, c'est fou. Oui, les autopromos, on les aime tant. Ta voix me disait quelque chose. Oui, c'était un peu drôle juste avant de partir l'émission, mais bon. Il y a un beau continuum. Oui, j'aime ça. Écoute, on aime ça, la continuité. Hein? Ouais. Donc, mythe ou réalité? Oui, donc, je vous pose la question. Ça va être soit une réalité, soit un mythe. Donc, c'est tout le temps ça. Vous répondez mythe ou réalité. OK. Enceinte, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On a moins de mémoire. Pouf! Un mythe. Un mythe. Mythe aussi. Ouais. Mythe. Ouais. J'y vais avec le mythe, moi aussi. Ouais, je suis vraiment sceptique. C'est un mythe. Yeah. Les femmes ont peut-être la sensation d'être plus étourdies, d'avoir moins de mémoire, d'oublier des trucs, mais c'est pas vrai. Leur mémoire est aussi bonne que celle des femmes qui ne sont pas enceintes. Une très, très, très répandue. La forme du ventre des femmes enceintes permet de déterminer le sexe du bébé. Réalité ou mythe? Je ne laisserai pas. Raphaël. Mythe. Justine? Qu'est-ce que tu as vu de retard? J'ai entendu dire des choses. Je veux dire réalité. Qu'est-ce que tu as entendu? Oui! Que si tu avais un bedon pointu, je pense que c'était un gars. Quelque chose, ou de quoi de genre? Puis si elle est haute, une fille, dans le même. C'est quoi la logique de la chose? Genre, le bébé est en érection dans le ventre de sa mère? N'importe quoi! Marie-Pierre? Mon Dieu, j'ai vraiment aucune idée, mais... En tant qu'étudiante sage-femme, tu n'as aucune idée. Non, en tant qu'étudiante sage-femme, mes connaissances théoriques me permettent assez d'affirmer que c'est un mythe. C'est effectivement un mythe. Pourtant, c'est tellement répandu. C'est là. Super répandu. Mmh. C'est même une tradition qui se perd. Puis Céline Lemay, elle avait répondu au journal Le Soleil. Qui est une sage-femme. Oui, qui est une sage-femme. Désolée. Bon, des fois, on prend pour acquis des choses. Ouais. Mais elle avait répondu à un quiz qu'il avait mené auprès de deux médecins puis une sage-femme. Okay. Puis elle avait dit que c'est vrai que c'est un mythe. Mais c'était une belle tradition qui rapprochait les gens d'essayer de devenir le sexe bébé. Puis maintenant, on sait tout de suite, souvent, que l'écho, les parents le demandent. Donc, on perd un peu cette réunion-là des gens autour du ventre de la mère. Mais non, en fait, c'est vraiment un mythe. Là, la forme du bébé, la forme du bedon ne va pas être changée face au sexe de l'enfant. C'est vraiment la morphologie de la femme là, qui fait que son ventre est plus pointu ou pas. Est-ce que c'est un gars au bedon ou une fille? Au bedon. Faut que je me mette à écouter ton émission. Ouais. S'il te plaît, non. C'est quand même à 7h le matin, mais je trouve bon d'être là tous les matins. Je suis là. Je suis pas là d'esprit, mais je suis là. Ouais. T'es vraiment bon. Comment? Elle était vraiment bonne. Je sais, mais... Elle était poche, je voulais dire. Elle était poche. Puis c'est poche meilleur que c'est. Oui, effectivement. Okay. En fin de session même, là. Non, oui. Tout le temps. Ça fait tellement du bien. Une autre question. Si vous attendez votre premier enfant, vous avez de grandes chances d'accoucher à la date prévue. Ce ne sera sûrement pas le cas pour ses frères ou sœurs. Hmm. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on accouche plus à notre DPA, date prévue d'accouchement, avec notre premier enfant, puis avec les autres, c'est pas le cas? Moi, je dirais un mythe. Dans le cas de ma sœur, j'étais exactement le contraire, fait que j'ai tendance à dire un mythe. Un mythe. Moi, je dirais aussi mythe, ça n'a aucun rapport. Moi aussi, je dirais mythe parce que dans notre cas, c'est le contraire aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, dans votre cas... Moi, je suis arrivée 6 jours en retard. OK. J'étais du pour le 12. Ouais. Moi, je suis la deuxième, je suis arrivée à date pile. OK. Bon, ben je vais y aller avec la gang. C'est un mythe. Puis on sait qu'un accouchement est considéré à terme 3 semaines avant la date prévue et 2 semaines après la date prévue. Donc, il y a comme un jeu de 5 semaines. Hein. Ça m'étonnerait vraiment que... Mais c'est ça. En général, là, les femmes vont dépasser leur date prévue d'accouchement. Là, puis c'est vrai pour le premier, mais c'est aussi vrai pour les suivants. Il y a aucun... T'sais, justement, on n'est pas un exemple parfait. Là. Ouais, ouais. Plus tes enfants vont arriver tôt. OK. Donc, c'est un mythe. C'est un mythe, effectivement. Une autre, la stimulation des mamelons peut provoquer l'accouchement. Réalité ou mythe? C'est clair que ça fait rire. Choses, des mamelons, tu sais. Ouais, ben... Ça n'en prend pas gros, Mathieu. Un mythe. Un mythe, selon Raphaël. Je veux dire réalité pour faire différent. OK. Justine? Un mythe. Moi, j'y vais avec la réalité. On sait que... Bon, je vais te laisser avec les exclamations. Oh, sexy time. Attends, t'as pas écouté notre émission de la Saint-Valentin? Oh mon Dieu! Attends, mais ça me dit quelque chose. Réalité, en fait, c'est pas un mythe. La stimulation des mamelons peut vraiment provoquer un accouchement, mais ça se produit rarement. C'est juste que cette stimulation-là va libérer de l'ocytocine qui va stimuler la contraction des muscles de l'utérus. Tout simplement. Donc, c'est vraiment hormonal. Mais moi, j'aurais tendance à dire, je sais pas si ça provoque vraiment, mais ça peut stimuler les contractions. Ouais, ouais. Ben c'est plus ça aussi, ouais, c'est ça. Que ça... Ouais, ouais. Ça aide. Surtout, on sait, après la naissance, en postpartum, la stimulation des mamelons pour la peut aider, ouais, à aider à l'accouchement du placenta après le bébé. Là. Ce qu'on appelle la délivrance. Oui. Juste pour... Hey, plein de notions théoriques. Mamelon va se coucher moins niaiseux. Mamelon va se coucher moins niaiseux. Oh, God! J'ai vraiment cherché par la campagne. Pendant tout le temps que tu parlais, j'étais... J'ai rien écouté. On aurait vraiment dû comme t'engager au début de l'année. C'est dur, hein? Tu étais juste dans le coin. Oui. Tu connais Guy Mongrain, l'animateur. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et ton... Mon idole. T'es son digne succès. C'est un petit bubblehead de Guy Mongrain, mais... Non! Non. Espèce de geek. Allô, t'as vu son gilet aujourd'hui? C'est champignon comme... de Mario. Il y a tout le temps ça. T'as tout le temps des gilets. Pas le même, là. Non, mais t'as tout le temps des gilets très jeux vidéo, là. Ouais. OK, ta réputation de geek te précède. OK, une autre, pas une dernière. Les naissances sont plus nombreuses au moment de la pleine lune. Ça, là, mon Dieu, que ça fait le tour de tous les hôpitaux, les maisons de naissance. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe? Bon, ben, j'arrête pas de dire que tout est un mythe, fait que cette fois-ci, même si j'aurais tendance à dire encore que c'est un mythe, je vais dire que c'est une réalité. Mathieu? Je vais dire mythe. Justine? Je vais dire réalité, parce que pour avoir travaillé en santé mentale, la pleine lune aussi, grosse influence. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. À quel niveau? Au niveau de la criminalité, niveau... j'ai travaillé avec des schizophrènes, puis okay. ça se voit, on dirait qu'il y a comme une électricité dans l'air, ça se voit beaucoup, vraiment. Ah ouais? Ah, mais ben moi, je connais un peu la réponse, là. Mm-hmm. Mais ça, moi, je dirais un mythe. Mais c'est un mythe. En fait, ils ont fait beaucoup d'études là-dessus aux États-Unis. 5 ans, 3 hôpitaux, toutes les naissances ont été comptabilisées. C'est vraiment un mythe. À la pleine lune, n'a aucune influence sur l'accouchement. Mm-hmm. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on se fait souvent dire par les gens qui sont en maison de naissance ou dans les hôpitaux, c'est que c'est pas la pleine lune, mais les catastrophes naturelles qui remplissent les maternités. Ouais. Ben en ce moment, c'est comme la nouvelle tendance là. Okay. C'est pas la pleine lune, ça serait les catastrophes naturelles. Qu'est-ce que tu veux dire? Le tsunami au Japon, ça a été la fin de semaine la plus occupée. Ben moi j'ai une amie qui travaille à Saint-François dans la maternité à Québec. Est-ce que t'as tsunami? T'as tsunami? Damn. Damn. Burn. C'est l'eau. Mais ça serait les tremblements de terre, les tsunamis là, ça a vraiment une grosse influence à ce qui paraît sur le remplissement des maternités. Ah ouais? Ouais. Ben c'est peut-être le nouveau, la pleine lune, il y a plus d'accouchements. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce qui court en ce moment là, comme bruit ou comme mythe dans les... comme rumeur, mettons. Ouais. Dans les maternités. Je sais que dans les maisons de naissance, ils ont des calendriers comme sur le mur, puis qu'ils mettent comme des étoiles ou un calendrier lunaire. Ils mettent des étoiles aux naissances là, pour voir, puis il semblait pas y avoir tellement de. Mais tellement non, de toutes les maisons de naissance presque au Québec font ça, puis il n'y a pas de lien. Tu parles à plusieurs sages-femmes. Puis... Mais je pense que comme en santé mentale, c'est pas prouvé. Ils ont fait des études aussi, puis pas prouvé, mais entre intervenants. On trouve que oui. Ah ouais. Puis tu sais, on est comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Puis là, tu regardes, ah, OK, c'est la pleine lune. Ouais. Mais non, ça n'a jamais été prouvé. Les postes de police aussi ont fait le truc, là, les appels, on en fait un, ils ont recensé les appels, puis il n'y en avait pas plus à la pleine lune. Mais tous les policiers, tous ceux qui reçoivent les appels au 911 vont dire, non, non, non, c'est beaucoup plus électrique, là. Les gens sont vraiment... dans le tapis. Là. C'est fou quand même que tout le monde s'entende qu'il y a un consensus, mais que l'étude le prouve pas. Ouais. Ouais. Sur ce, une autre question. Une autre question. Toutes les femmes enceintes ont des envies de fraises ou de cornichons au milieu de la nuit. Réalité ou mythe? De fraises? Là, il faut être précis sur les choses. Mais non, mais les fraises, cornichons, tu sais, des trucs bizarres. Des drôles de goût final. Ouais. Ouais. Mais c'est bizarre. Non, non, mais fraises et cornichons, c'est spécial. OK, ensemble. Ah, ouais, ah parce que... Vous qui mais tu sais, mettons, des cornichons ketchup. En ah ouais. Crème glacée, des fois. Ouais. Ouais. Tu as l'air d'aimer ça et comme... Non, mais t'as-tu déjà vu là. Vraiment... Ingrid aime beaucoup les cornichons, je suis témoin. Wow. C'est vrai. Hey, on apprend des choses sur nos vies personnelles hein, pendant cette émission. C'est vraiment... c'est une vengeance, elle voulait pas être là. Donc, mythe ou réalité, les amis? Dans le fond, j'aurais tendance à dire un mythe parce que tu as dit toutes les femmes, j'imagine que ça dépend. Mettons la majorité. OK, majorité, j'irais peut-être, on va dire une réalité. Une réalité? Ouais. Moi, je vais dire, il me semble, s'il y a tellement de gens qui parlent de ça, ça doit avoir une racine de réalité. OK, Justine? Ouais. Moi, je pense que c'est un mythe. Et Marie-Pierre? Oh, je suis déchirée. j'irais avec une réalité. Je pense qu'il y a des goûts qui sont un peu... C'est Justine qui a raison. Oh, bravo! Ah. C'est effectivement... Comme chou-chou, c'est le train, c'est ça? Non, c'est des lasers. Un laser. Comme ça, OK. Quand c'est des lasers, c'est... Mais c'est plus vite que ça, des lasers. C'est un laser de fille, OK? Oh! Ouais. On n'a pas la même star. Star Wars ou je sais pas quoi. Et donc, mais c'est un mythe. C'est vraiment une croyance. En fait, les femmes ont des soudaines envies de manger. Ça, c'est vrai. Mais c'est surtout dû à une production accrue d'insuline. Donc, ça fait baisser rapidement le taux de glycémie. Donc, on a faim rapidement. Puis, la grossesse, ça s'accompagne tout le temps avec des modifications de goût. Puis des comportements qui peuvent parfois surprendre, d'où le « on aime les cornichons ketchup », genre. Bon, ben c'était vrai. Mais c'est faux. Mais c'est des goûts qui peuvent surprendre, tu sais, comme... Ouais. Des trucs que tu mangerais pas normalement. Mais non, c'est ça, ouais. Genre, t'aimes pas le pamplemousse, puis en 5, là, tu fais que manger des pamplemousses, là, parce que là, fouille-moi pourquoi t'as le goût de pamplemousse. Fait que ça surprend. Mais c'est pas bizarre en tant que tel, là. D'accord. Fait que c'est un mythe. C'est pas un mythe. Un demi-point pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. On annule la question, OK? Sur la barre avec des lasers. Justine, un petit coup là, pour enflammer la feuille. Quand même, laser. Tchou, tchou. OK, prochaine question. Lorsque votre bébé touche la paroi de votre estomac avec sa tête, vous avez des aigreurs d'estomac. Réalité ou mythe, Raphaël? Je vais dire... c'est ça que je veux dire. C'est pas dans les choix de réponse. Dans le fond, je vais dire une réalité. Une réalité, Mathieu? Mythe. Je vais dire réalité aussi. Je dirais mythe parce que ça ne doit pas juste être la tête. Bonne réponse, c'est effectivement un mythe. Donc, désolé Justine et Raphaël. Bon. C'est vraiment un mythe. Les aigreurs d'estomac vont être déclenchés par l'élargissement de l'utérus qui va s'appuyer sur l'estomac puis le ralentissement digestif qui est causé par la grossesse en tant que telle. Donc, c'est pas... Ah, les hormones. Ouais, c'est pas la tête. Et bon. Non. Parce qu'il y a quand même une coupe de couches à traverser avant de pogner l'estomac puis il est quand même assez haut, là. Tu vois, j'allais dire quelque chose du genre, mais j'ai peur de tellement pas connaître non, mais l'intérieur. Tous les organes remontent. L'utérus est tellement gros, il s'étire à jusqu'à 1000 fois sa capacité. Puis il va vraiment remonter. Avec toutes les femmes qui sont essoufflées, là, c'est pas pour rien. Tous les organes sont remontés, ça comprime les poumons. Mm-hmm. Mais je veux dire, entre l'estomac et l'utérus, il y a du stock. Donc, c'est semi... C'est pas vrai. Ouais. Bon, autre question. Si vous attendez une fille, vous serez davantage sujette aux nausées, que si vous attendez un garçon. Vrai ou faux? Mythe ou réalité? J'ai aucune idée. Je vais dire mythe, là. Justine? Mythe aussi. Mythe. Un mythe. J'y vais avec la famille. Non, c'est une réalité. Non! Ouais. Mais c'est à prendre vraiment avec un grain de sel. Il y a eu une étude qui a démontré ça, donc il faudrait vraiment voir le spectre de femmes qui ont pris, la quantité, puis juste l'étude du bon sens. Mais il y aurait une plus forte concentration de l'hormone de grossesse HCG. C'est elle qui est responsable des nausées. Eh bien, ça fait les femmes, les filles, les petits bébés filles produisent plus d'hormones HCG, donc plus de nausées théoriquement. Et les filles, hein? Et je te dis, pas drôle. Plus on fait un enfant jeune, plus on a de chances d'éviter les vergetures. Réalité ou mythe? Hey, moi, je mets un mythe là-dessus, là. Vraiment, là, ça dépend de la peau, là. m'excuse. Ah. Justine? Ah, j'ai tendance à dire réalité. Ouais, ça a l'air d'avoir du sens, réalité aussi. Moi, je veux dire mythe. C'est effectivement un mythe. C'est vraiment l'élasticité de la peau. Il y en a qui ne font pas de vergeture à l'adolescente quand tout explose, là. Particulièrement chez les filles. Là. Mais Mathieu, un jeu de mots? c'est parce que là, à un moment donné. je sais pas si on avait un tantôt avec Utérus puis Tyser Ross, mais là. Non. Mais bon. Utérus et Tyser Ross. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas. Mais non, c'est vrai, c'est le type de peau, mais aussi le tissu conjonctif des jeunes femmes est encore très tendu, fait qu'il va céder plus facilement que chez les femmes âgées en cas d'extension. Fait que c'est même l'inverse. C'est l'inverse. Ah, théoriquement. Plus t'es jeune, plus. Mais c'est ouais, une peau. Mais ça dépend, c'est ça. C'est une peau sujette aux vergetures, t'en as fait toute ta vie, là, le moindre moment que tu prenais du poids ou que t'en perdais, là, tu vas en avoir. Mais est-ce que plus t'es jeune, plus tu reprends ta taille après? Me semble que. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire non, là, que c'est vraiment un mythe. Ben, en fait. Selon ton organisme, ton métabolisme. C'est selon ton métabolisme. Puis chacun, tu sais, comme toi et moi, on perd pas du poids au même rythme. Puis on n'en prend pas au même rythme non plus. Je pense que c'est la même chose au niveau de la grossesse, là. Mais je sais pas si une même personne, à différents moments dans sa vie, qu'elle tomberait enceinte, ce serait différent. Peut-être ça va avec le niveau d'activité aussi qui va avec l'âge. Tu sais, si tu deviens de moins en moins active avec l'âge, peut-être tu vas perdre moins ton poids. Il y a des exceptions à la règle tout le temps, oui. Ouais. Tu viens comme de créer une autre question dans le quiz, Justine. Sérieux? Je vais me faire valider par Lucie. Lucie Hamelin, sage-femme au département de pratique sage-femme. Ben, département de sciences, programme pratique sage-femme. Donc, c'est elle qui a validé toutes les réponses de mon quiz, voir si ça avait du bon sens ou pas. Bon, merci Lucie. Alors, merci à Lucie. J'en ai une autre, si vous êtes toujours intéressée. Absolument. C'est le Soleil qui a questionné des experts sur les mythes courants en périnatalité. Donc, il y a eu Céline Lemay, sage-femme, qui était présente du regroupement des sages-femmes à l'époque. Nancy Thomas, gynécologue obstétricienne au CHUL. Puis Jean Ross, médecin de famille obstétricien. Donc, on a posé des questions à ces trois personnes-là et ils ont répondu. Et là, c'est à vous de confronter les experts. Est-il vrai que la pratique de sport impliquant des sauts peut causer une fausse couche? Oui ou non? Moi, je dirais oui. Parce que ça peut avoir un impact peut-être au niveau du décollement du placenta. OK. Justine? Je dirais oui, mais je pense que ça doit dépendre de ton niveau d'activité avant. Okay. Ah, avant d'être enceinte. Tu dois jouer. Mathieu? Je dis réalité et j'expliquerai rien parce que je comprends rien. Et Raphaël? Je vais y aller avec la famille. Fait que c'est oui? Parce que Mathieu a dit... J'ai dit réalité. C'était ça un oui ou non? C'est ça, exactement. Il n'y a pas juste lui qui est perdu. Donc, c'est non. La pratique de sport impliquant des sauts, c'est pas prouvé. Il n'y a pas de lien qui est prouvé. Sauf qu'il va être vraiment préférable d'éviter les sports extrêmes comme qui impliquent des impacts importants. L'équitation, par exemple. Ouais. Ça va être vraiment à proscrire. Ouais, du bungee. Glisser au village vacances vers le quartier. Genre. Ben, Justine a travaillé au village vacances vers le quartier. Ah, je pense que. Six ans. Puis, t'en as vu des grosses bedaines? Ben, c'est qu'on les interdit dans des manèges. Ah ouais? Ben, des manèges, des glissades d'eau. Là. Ben, j'avoue, même au parc d'attractions, à la Ronde ou peu importe où, il est écrit femme enceinte. Ben, c'est quand même des sports extrêmes. Là. Je sais pas, les glissades. C'est des sensations extrêmes. C'est des sensations extrêmes. Pas, là, mais c'est ça. Souvent, c'est non, là, théoriquement, ça fait rien, mais il y a des bémols, c'est pas de sport extrême. Puis il est préférable que les battements cardiaques de la mère qui fait du sport soient plus bas que 140 par minute. Puis si jamais tu t'es jamais entraîné, puis là que tu décides, je suis enceinte, il faut que je sois en forme, ben c'est sûr qu'il faut que tu y ailles un peu plus prudemment là, que les autres. Fait que Justine, t'avais raison là-dessus. Là. Si t'as jamais couru de ta vie, puis là tu te mets à courir pour préparer un marathon, peut-être pas le meilleur moment. Ben, je pense que, comme dans n'importe quoi, l'excès n'est jamais conseillé. Exactement. Ce qu'on peut contester aussi, c'est que dans ton questionnaire, il y a beaucoup de réponses qui ne sont pas nécessairement des réponses noires ou blanches. C'est ça, là. On aime les ondes grises. Il essaie de se gagner des points. Ça. Mais c'est vrai, c'est vraiment pas des réponses tout blanc, tout noir. Ouais. Comme, est-il nocif de se colorer les cheveux enceinte? La réponse? Ah oui. Oui. Oui. Oui, je suis sûre. Ça avait l'air bizarre, mais oui. Mais c'est ça, la réalité. C'était évident. C'est donc évident. Vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez. Oui. Ben, théoriquement, non, selon le médecin de famille, mais la sage-femme et la gynécologue, qui sont des femmes, Qui se fait plus teindre les cheveux dans la population? Ben, les cheveux, les hommes aux cheveux gris grisonnants. Ouais, mais je veux just dire... Ouais. Pour hommes seulement. En vous puis moi, là, ici, ouais. À table, là, ouais, je pense qu'on s'est tous plus teints les cheveux que les messieurs qui sont là. Je me suis déjà fait demander si je me faisais teindre les cheveux, mais non. C'est vrai? Non? Non? Personne ne voit mes cheveux. Ça change rien. Ben, théoriquement, là, les femmes vont dire que... ben les deux, la sage-femme et la gynécologue vont dire qu'il faudrait s'abstenir, surtout dans le premier trimestre, les trois premiers mois, parce qu'on sait que c'est là qu'il y a plus de risques d'action tératogène qui vont attaquer directement le fœtus. Oui. Mais en psycho, moi, durant mon bac, j'ai appris que non. Ah oui, qu'il ne fallait pas. Mais je pense que c'est l'ammoniaque qui est dangereuse. L'ammoniaque est... Ben, dangereuse. En fait, les coiffeuses sont retirées immédiatement de leur milieu de travail. Oui, mais on s'entend que c'est parce qu'ils sont là-dedans, mettons, en longueur de journée, puis avec l'odeur, puis il n'y a pas juste les teintures qu'eux font, il y a les coiffeuses à côté, mais... Puis les permanents. Je pourrais comprendre... qu'une femme qui veut se teindre les cheveux à la maison, tant qu'elle reste pas enfermée dans sa douche... 3-4 fois durant la grossesse, c'est pas considéré comme un sujet de préoccupation, selon Jean Ross, médecin de famille. Okay. Mais c'est quand même des produits chimiques, puis un contact avec le cuir chevelu. Ouais. Mais souvent, les cheveux, ça, c'est mort, fait que ça rentre pas dans la circulation. Peux-tu vous conter une anecdote personnelle avec la teinture? Je me suis rasé les cheveux fin août l'été passé pour ramasser des fonds. Puis non, pas pour le camp, pour une clinique de sage-femme à Bali. Parce qu'on n'est pas du tout impliqué que je suis. Donc, c'est ça. Puis avant de m'y raser, je me suis dit, hey, je vais essayer toutes les couleurs du monde sur ma tête avant de m'y raser. Comme ça, si ça pète mes cheveux, je m'en fous, je m'y rase. Puis j'ai fait 3 teintures en 2 jours et j'avais le cuir chevelu brûlé. Oh, j'en doute même pas. C'était horrible. Quelqu'un et en plus, passe de brun c'était à blond. Vraiment laid. Mais de brun à blond, ouais. Là, c'est un supplice. J'étais brune, j'ai passé par le blond, le roux blond pâle carotte. Puis le roux plus décent. Mais oui, j'ai eu le fond de tête brûlé. Donc t'avais même un petit reflet roux au début de la session. Oui! Quand t'es rentrée, t'es-tu rousse à la base? Non, non, c'était du faux. Bon, on y va une dernière question? Oui, une dernière question. J'avais un jeu de mots avant. Oui. Hein? Parce que je voulais dire que teint, tu réponds à mes questions. Teint, tu c'est vraiment bon. Ça nous manquait. Wow, c'est ça. Mais moi, je m'excuse, mais le meilleur, c'était vraiment si tu es un gars, ben dans une fille. Bah, c'est le pain pour faire ça. C'était vraiment la meilleure, je pense. Wow. Parce que c'était le pire, c'était le meilleur. Ah, c'est ça que les gens comprennent pas des fois. Oui. Bon, petite dernière. Les bains chauds sont-ils néfastes pour une femme enceinte? Marie-Pierre? Je ne veux pas trop rentrer dans trop de mots compliqués, mais vasodilatation. Bon, il me semblait aussi que c'était ça que j'allais dire. Fait que oui ou non? Mettons pas en excès. Fait que... OK. Fait que non, mais avec précaution? Non. Encore une réponse de zone grise. Ouais, je veux pas avoir l'air de la fille qui travaille en piscine, mais encore une fois, on interdisait les sages-femmes dans les spas. Dans les sages-femmes? Les sages-femmes. Oh mon Dieu, lapsus! Les femmes enceintes. Et les sages-femmes, parce que... Ouais, les femmes on est stigmatisés jusque dans les piscines. Mathieu? Est-ce que vous pouvez répéter la question, Luc? La garde éclair. Oui, la garde éclair. Les bains chauds sont-ils néfastes? Ah, okay. Pas les pains chauds, les bains. Les bains, bains. Les petits pains chauds. Donc, c'est un vrai ou faux? Vrai. Fait que oui, c'est néfaste. Ouais. OK, Raphaël. Ben, moi, je vais dire faux. En fait, théoriquement, les bains chauds ne sont pas dangereux. Les manchots? Les bains chauds. Je t'invite plus jamais, t'es le gars, c'est la dernière. Tu m'avais prévenu en plus, mais bon, merci d'être là. Donc, la réponse? C'est non, mais bien sûr, il y a des précautions. Il faudrait éviter les bains à remous et les saunas qui sont très chauds. Ça faut pas faire augmenter la température corporelle au-delà de 39 degrés chez la femme enceinte. Mm-hmm. Et elles sont plus sujettes à réagir à la chaleur par des étourdissements. Marie-Pierre, t'as une partie de la réponse. Vasodilatation. Ah, vasodilatation. Mais oui, c'était ça. Hey, encore même, hein? Ben, oh mon Dieu, c'était notre dernière émission. Oh! Oui, fait que, on a un groupe Facebook, Côtre et d'Union Naître Ensemble. Vous pouvez aller réécouter toutes les magnifiques émissions qu'on vous a données cette session-ci et la session dernière aussi. Donc, merci beaucoup à nos 3 invités de la journée, Raphaël, Mathieu et Justine. Merci à vous, vous avez été vraiment bons. Merci et félicitations pour votre émission toute la session scolaire. Merci. Félicitations pour votre beau programme. Ben, merci, mon Dieu, on se lance des fleurs. Non, c'est fait complimenter. Hey Ingrid, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci d'avoir été là toutes les émissions, toute l'année. merci à toi aussi d'en avoir manqué seulement une. Ouais, quand même. Pour un accouchement. Fallait que tu y remarques, par exemple. Non, mais j'étais en train d'accompagner un accouchement, quand même. Fait que c'est non, c'est parce que si vous retenez dans les archives puis vous n'entendez pas la voix de Marie-Pierre, c'est normal, il y a une émission, ouais, c'est comme ça. Écoutez la voix. C'était très bon. Oui, c'était très bon. C'est ce qui conclut notre émission, Connaître ensemble. Et on va se laisser avec une chanson de Paris Combo, Fibre de verre. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là pour cette magnifique année de Connaître ensemble. Puis l'émission va peut-être reprendre l'année prochaine avec la nouvelle cohorte des premières années d'étudiantes sages-femmes. Donc,